genre, j'étais à l'âge de tête. T'es là? Alors attends, j'ai vu, t'as mute, je sais pas quoi. Ouais. Alors mute, c'est quoi? Ouais, mais je t'entends plus dedans. Vas-y voir, parle voir. Ah voilà. Ah ben Tu voilà, m t'es là. Alors là en bas j'ai des barrettes qui chargent là. Alors oui, je t'entends. Et là, tu m'entends moi dans Ninjam? Je viens de t'entendre avec un. Ouais. Attends, par contre, moi je m'entends, c'est pas cool là. Ah, tu m'entends Il y a là? un sacré retard. Est-ce que tu m'entends? Attends. Alors attends, là, moi, dans Ninjam, j'ai enlevé, j'ai coché mute, la première coche. Là. Attends, j'ai coché la première case mute et du coup moi je m'entends plus parler dans le truc. Ah là, c'est beaucoup plus propre. Par contre si je le remets ça fait quoi? Ah c'est je dès que je le remets en fait j'entends ma voix quand je te parle. Attends. Bah ouais parce qu'on est bah en fait non c'est parce qu'on n'est pas du tout synchronisé pareil entre le téléphone et puis le ouais attends je vais parce que là je t'entends dans le téléphone attends faut que j'en mette le son. Attends. J'ai l'impression que je parle et ça arrive il y a une semaine après chez toi. Moi, je t'entends pas du tout sur l'ordi là. Sur l'ordinateur, non, je t'entends pas. Là, j'ai les deux cases. Alors, mute, la deuxième ligne, je l'ai coché, c'est le métronome, comme ça, il ferme sa gueule.